Et auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr à partir du canal hertzien, le 94 MHz pour les Brétiliens et Brétiliennes. Ça, c'est l'antenne de Canal B le lundi à partir de 21h30, également à partir de vos postes à galène numérique et du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Ça, c'est pour récupérer les playlists, les podcasts, écouter aussi en streaming à partir de cette plateforme asile35.blogspot.fr. Cette semaine, émission toute particulière puisque je suis absent et présentement à Paname. Voilà, donc par le truchement des ondes, je vous ai préparé cette émission spéciale qui sera vraiment très spéciale puisqu'elle consistera en un mix d'une quinzaine de titres d'albums récents, récemment parus, des disques qu'on vous a déjà proposé au moins une fois dans l'émission et qu'on avait à cœur de vous repasser cette semaine. Voilà donc des hits de l'émission L'Asile le plus sûr, et on va commencer avec un disque qui est paru au printemps de cette année. Il s'agit du Facteur Cheval, le groupe de Karl et les Hommes Boîtes en compagnie du duo bruxellois Zoft qui compte en son sein Damien Magnette, batteur émérite notamment du Wild Classical Music Ensemble. L'album s'intitule Adieu l'organique. Il est sorti au printemps sur Humpty Dumpty Records. Donc une pierre dans votre jardin. Bon voyage, à tout à l'heure. Son envol me plante son bec dans l'orbite, me crève l'œil, me touille là-dedans, fouette mes deux joues bleues, myrtille en battant des ailes. Va savoir ce qu'il cherche, C'est touchant, il met tant d'ardeur. Je fais comme si j'étais absent. Je laisse me bourrer la tête. Le temps qu'il fasse sa petite affaire, je m'assieds sur un banc. Je regarde passer les gens. Ah! Chaque jour, je le crois, me recouche dans le lit que je viens de quitter. Fixer les motifs du drap, laisser mon esprit commencer quelque chose avec le jour, quelque chose sans moi dans la boucle qui ne s'achève jamais. J'aime ne rien faire, j'aime ne rien faire dans la boucle qui ne s'achève jamais. J'aime ne rien faire, j'aime ne rien faire. Je me goûte un peu de moi dans ma bouche. C'est bon cet instant à prendre froid hors de la voûte. La lumière du jour éclaire mes orteils, remonte à mes genoux. Au ventre nous aurons moins froid. Me projeter sur les motifs du gras, leur poussière dans la lumière me coupe les avant-bras. Vais-je soudainement changer? Chaque jour, je le crois, me recouche dans le lit que je viens de quitter. Ah! Democracy protest where thousands of Americans have amassed and are marching, demanding something. Well, I can't quite make it out. Let's see if we can get any closer and hear what they're saying. Hello, people. We are sedimentary rocks. It seems that they're here today declaring that they are in fact sedimentary rock. Your passport, please. What? Your passport, please. My passport. Your passport, please. You want to see my passport? Your passport, please. And who are you? Your passport, please. Okay, and you your are... Your passport, please. Your passport, please. Your wait passport, a minute, please. This is a your sample. Passport, you're a your sampled passport, voice. Your passport, please. This is ridiculous. I'm trying to do a live broadcast here at this democracy protest. Your passport, please. Look, I'm not going to argue with a sample, all right? You can't argue with a tape. Please. Your passport, please. This your can't be happening. Your passport, please. Your passport, please. Your passport, please. Ah, Forrest, we're already 1 minute, 30 seconds in. Yeah, I'm trying to make a record here. Yeah, technically you can only fit 22 minutes on a side if this is vinyl. Right. If this is an LP. Right, okay. Okay, no problem. Yeah. Rolling. Your passport, please. Your passport, please. Your passport, please. Wait. Your passport, please. No, wait a minute. What happened to the other guy? The sample. That was Fernando. He called for backup. Your passport, please. All right, right, right. Yeah, you having a good vacation so far? You know, just make sure you're not carrying any contraband or... What is this? You're a sample, too? Uh-huh. I thought sampling went out back in 1992. Yes, a sample I may be, but it's still your passport I must see. Yeah, okay, I see where this is going. See. Yeah, I see what you're doing. See. Yeah, now, of course, this is for your security. You like the texture of it? I love these all-new passports. You're way safer. It's way... The revolution will not be a revolution. I heard that. Forrest, where have you been? It's been 7 years, right? Cokey. I was stricken by your chicken in the thick of the night. Then I insulted the consultant of a sultan, alright? That all sounds like a gas indeed, but it's your passport that I need. Your passport, please? I don't have one. I sold it in Jakarta to a guy named Mr. Bala, and he needed it more than me. Now he's living like a slave in the land of the free, Mr. Bala. Your passport, please? I don't need one. I'm the ambassador of disappointment. I get in for free. Your passport, please? You don't want mine. Laminated with plastic and computer chips? My country's just a blip on the map. It rises and falls. I left. Now I'm in Vietnam making rap lyrics next to a durian stall. We know. And we're still listening to all your calls. Oh, yeah? Oh, yeah. Your passport, please. You can have mine. Oh, wait. I sold it for a dollar to a guy named Mr. Bala. He sold his life out to the land of the free. He lived the rest of his days behind bulletproof glass till the day a bullet came and claimed his ass. Politics go out of style in 1982. Yes, they did. Okay, no problem. Rolling. Well, you can fight tooth and nail for gay rights and dreadlocks in your democratic discoteria. Got the green light, go pulverize what's left of Iraq and Syria. Your passport, please. Are you serious? This song's just getting worse and worse. And Mr. Sample here wants another verse. Think about it. Okay, here's one I just had made. I'm the diplomat of disaster, I love a charade. Won't knock on the door, I just walk right in. I'll laminate the mammals on this planet of sin. Wow. People! We are sedimentary rocks. Occupy test. We are sedimentary rocks. So much democracy. Your passport, please. I think they found mine. Fell right out of a plane that hit the Twin Towers. This passport's got indisputable powers. Trumping tragedy and it's magic to me. It was right on cue. Was it magic to you? You'll find my passport if you want to be free. Yeah. Your passport, please. The Israeli Mossad made a photocopy. Used it on a flight, but they were sort of sloppy. Harvested some organs on the way to Tel Aviv. Then they kindly sent my passport right back to me. And now I'll never leave. 护照, your passport, please. Your passport, please. No, your passport, please. I am sick and tired of asking no, you this. No, your passport, please. The return of Forrest. I speak a language that you don't understand. I heard your laughter and I knew it was canned. Misunderstandings make the world so advanced. I've got the fever, but I don't wanna dance. If there's a reason for the mess that we're in, then let the carnage and destruction begin. You've been co-opted by the cream of the crop. Your conversation's gonna start when it stops. Why is it that you think you want to survive? There's just no future here in staying alive. And if you're thinking that your vote makes a change, I'd like to see all of your brains rearranged. You love your country and you think it's the best. If I was judged, you'd all be sentenced to death. Go get your synthesizer, start a new band. You've got no culture and your head's in the sand. Go ask the freest man who lives on this earth. He'll tell you what your garbage country is worth. And you came here to see. You're all in bondage, but you're calling it free. I'm here to ostracize and then isolate. Just singing karaoke jingles of hate. And if you gave me giant piles of cash, I'd still be standing here to tell you you're trash. In the beginning, we knew just what to do. An antioxidantal table for two. You lit the fire and you set the controls. You burned the bridges but you still pay the tolls. If there's a reason for the mess that we're in, then let the carnage and destruction begin.

feigen, feigen, feigen, da lecker süße Feigen hier, lecker süße Feigen da, am Mann, am Mann, Feigen hier. Hello, Feigen time. Car je fus un cas, mes parois, c'est comme on le rapporte. Is the lie, and no, I like it. je sais que les hommes ont tué des animaux. Je sais que la pierre est principe et fin de tout corps. Je sais que l'opus alchimique est l'effort de l'homme salvateur. Je sais que la matière de l'œuvre est enfermée dans l'œuvre philosophique. Je sais que la maîtrise de l'énergie sexuelle joue un rôle magique. Je sais que l'alchimie n'a pas été un phénomène isolé. Je sais que le Saint-Office était parfois l'organisme le plus objectif de son époque. Je sais que les comtes juraient de prêter main forte à l'Église. Je sais que les habitants faisaient serment de dénoncer à l'évêque toute personne soupçonnée d'hérésie. Je sais que le fauteur d'hérésie était déclaré infâme. Je sais que les seigneurs doivent rechercher les hérétiques. Je sais que certains ennemis de l'Église ont un pouvoir considérable. Je sais que les victimes furent innombrables. Je sais que les classes cultivées admirent la perpétuelle présence de Satan. Je sais que la certitude soutient et aveugle. Je sais que Philippe IV assista à l'autodafé du 30 juin 1680. Je sais que le pape Alexandre VI a divisé le monde en deux. Je sais que la peur de la contagion religieuse poussait les orthodoxes espagnols. Je sais que les 73 condamnés furent exécutés. Je sais que les études modernes n'ont guère contribué à éclaircir le problème. Je sais que la Vesta a été compilée dans sa forme définitive à partir de l'an 220 de notre ère. Je sais que les manichéens ont tourné la difficulté d'élégante façon. Je sais que la doctrine de Mann demeurait l'ennemi le plus redoutable. Je sais que les bribes de la doctrine primitive se détachent au gré des remous. Je sais que Cosmas décrivait les Bogomiles de Dragovista. Je sais que Pierre de Castelnau prononça une condamnation. Je sais que le pape décida de donner le plein pouvoir à ses légats. Je sais que les politiciens dissimulaient leur doctrine. Je sais que leur religion se situe entre celle du Christ et de Zoroastre. Je sais que Simon de Montfort écoutait la messe. Je sais que Blanche de Castille fit preuve d'une habileté vraiment diabolique. Je sais que Montségur était réellement imprenable. Je sais que les assiégeants essayaient péniblement de bombarder. Je sais que la capitulation devenait inévitable. Je sais que Pierre d'Auteuil dut lever le siège. Je sais que le tout finit par devenir indiscernable. Je sais que le signe de la Vierge correspond au ventre et aux intestins. Je sais que les âmes célestes peuvent s'unir à des corps grossiers. Je sais que les dissensions se sont développées. Je sais qu'Urbain V n'avait laissé à Rome aucun échelon administratif. Je sais que l'élu n'est pas romain. que le médium est le jouet d'un esprit trompeur. Je sais que l'incarnation est l'épreuve de choix. Je sais que la faculté mnémonique va de pair avec un certain état hystérique. Je sais que les activités séculières peuvent difficilement conduire à la sainteté. Je sais que l'Opus Dei n'est lié à aucune personne. Je sais que le tout a une valeur d'éternité. Je sais que le finalisme vient tout naturellement sous la plume. Je sais que le démon était la cause du mal. Thank you.

Thank you. Thank you. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr avec ce florilège de disques paru en 2016 qu'on avait beaucoup aimé, que des titres de disques qu'on vous avait proposés et d'autres extraits à l'image de ce dernier morceau qui était un nouvel extrait de ce second album de Clara Lewis sorti chez Imego un peu avant l'été sous le titre Tout, et ceci pour vous rappeler que Clara Lewis jouera la semaine prochaine au Musée des Beaux-Arts à 21h dans le cadre du festival Maintenant. Ce sera le samedi 15 octobre et c'est gratuit d'ailleurs, qu'on se le dise. Le festival de musique électronique qui a lieu dans la capitale brétilienne entre le 7 et le 16 octobre. Et on se quitte avec un dernier titre et un extrait du dernier album de David Toup, sorti aux éditions Room 40 un peu avant l'été, lui aussi sous le titre Entities Inertias Faint Beings. Et à noter que monsieur David Toup est aussi à l'origine d'un nouvel ouvrage qui est paru à peu près au moment de la sortie de cet album sous le titre Music Improvisation and the Dream of Freedom Before 1970, sorti donc au printemps. Voilà pour l'émission de cette semaine qui s'achève. Je vous rappelle que vous pouvez entièrement podcaster ce programme à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Également retrouver l'intégralité des sélections et des playlists de toutes ces dernières années depuis à peu près 3 ans et demi. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit et la semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau direct. À très bientôt. Regarding the placement of stones, there are many taboos. If so much as one of these taboos is violated, the master of the household will fall ill and eventually die. And his land will fall into desolation and become the boat of devils. を立つるには多くの禁忌あり。一つもこれを犯つれば、主常に病ありて、ついに命を失い、所の荒廃して、必ず鬼人の住処となるべしと言えり。